Donne-moi un beat pour me faire danser. Donne-moi, oh oui, un bon reggae. Donne-moi un beat pour me laisser aller. Donne-moi des good vibes pour la soirée. Tu nous écoutes dans les sound systems. Notre musique n'entraîne aucune haine. Seulement une basse qui se déchaîne sur des rythmes qui t'entraînent. Alors brisons le chêne, c'est du love dans nos veines qu'on distribue pour soigner tes peines. Alors brisons les chaînes, c'est du love dans nos veines qu'on distribue pour soigner ta haine. Donne-moi un beat pour me faire danser. Donne-moi, oh oui, un bon reggae. Donne-moi un beat pour me laisser aller. Donne-moi des good vibes pour la soirée. Ça c'est du bon reggae qui nous met ailleurs, qui nous fait jumper toute la soirée. Ça c'est du bon reggae qui nous met ailleurs, qui nous fait jumper toute la soirée. Donne-moi un beat pour me faire danser. Donne-moi, oh oui, un bon reggae. Donne-moi un beat pour me laisser aller. Donne-moi des good vibes pour la soirée. Oh non, non, non, donne-moi des good vibes pour la soirée. Oh yes. On boue dans toutes les cités, on boue dans tous les quartiers. Quand la basse vient là à trembler, dans toutes les communautés, pas de souci d'identité. Ça c'est les good vibes, yes, du reggae. Donne-moi un beat pour me faire danser. Donne-moi, oh oui, un bon reggae. Ciao! Rastafari, King Selassie I the First.